Les acolytes, les acolytes. R2Z. 2010. Dans ta gueule. La tête dans le cul ce matin. Depuis que t'es parti, rien ne va plus et j'ai plus de but à atteindre. Encore une fois de plus, où je vais partir le ventre vide. Une fois de plus, où c'est la merde du lundi au vendredi. Une fois de plus, où je rentre vite car j'ai le moral à zéro. Une fois de plus, qu'on me le dit que je serai mort à la raison. Une fois de plus, où je vois ce type se faire jeter comme un caca. Et c'est pour ça qu'il se projette de se jeter dans le canal. Encore une fois de plus, où je vois ce dealer vendre 10 grammes. N'est pas en d'y croire et dis-toi qu'une fois de plus, tu comptes 10 lap. Je suis pas candidat, c'est la misère, il nous faut des dinars. Je me sens partir à la dérive, seul l'avenir nous le dira. Une fois de plus, c'est le mal qui s'apprête à frapper. R2N, c'est le rat. Une fois de plus, affalé. Une fois de plus, où je me connecte sur le net pour faire la trouvaille. Je veux pas plus de mais d'une fille honnête qui baisse pas à tout va. Vers le champ de bataille, bah. Touche à un nos soldats et c'est la foudre qui t'abattra, okay. On n'a pas besoin d'armes, seuls nos bouches sont les mitraillettes, bah. Pas un, on fait un braquage à l'italienne. R2N, t'as compris, premier du régiment, mission accomplie. Alors on tire ce dimanche, j'avoue que nos soldats faisaient des trucs tordus dans le temps. Mais si tu me parles mal, hors du rite, te torture dans le temps, bah. Passe à vos conneries, mes strams ne répondent pas, non. C'est plus code rouge, mais code riche, alors on les bombarde, bah. Ici, fais pas le trop bas, sinon tu crèves ta bière, ton ban. Ça fume autant car et si tu te rebelles, on t'embarque. Ici, y'a pas de magie, donc parle d'abracadabra. Nos soldats sont agiles et demandent vite 4 à barra. Les acolytes sont doux, on est gentils, on te câline. Barre mal sans doute qu'après tu sentiras le calibre. Rien ne va plus en ces temps et on s'étonne de voir le monde à cet état. Ni lorsqu'il tant comme l'omerta et la vendetta. Si un jour ça va mieux, compte pas sur nous pour qu'on vende l'état. On aimerait remonter le temps et voir nos mères dans les meilleurs états. Et on s'étonne de voir le monde dans cet état. Ni lorsque t'entends comme l'omerta et la vendetta. R2N c'est nul, l'hérétique, elle nous aide à courir sa carabine, on vise l'état. Non, je m'en tape de vos règles, vous avez cru. J'allais les suivre, ils veulent juste niquer nos rêves. Donc c'est plus, je les esquive. Et je m'exprime à ma manière, marre d'être en bas. Respire face à leur tanière, leur porte est en bas. Ils veulent mes thunes, mais des euros, j'en ai pas 10. Souvent on m'accuse pour un truc que je n'ai pas dit. 2010, c'est la merde, en effet la joie se fera. Croire qu'une bonne lamelle et des fusils, ça suffira. Les médias s'enrichissent et puis l'autre port en profite. Et tu veux faire face à ces putes qui jugent par ton profil. Ils poussent notre honneur, bénéficient notre monnaie. Ils s'inspirent notre bonheur, ainsi nous ordonner. Les acolytes sont là pour faire péter vos barricades. Je te précise qu'on est précis alors contre nous à Riclas. Séminaire de zen, hérétique, on compte au détail. T'as ressenti la frappe, t'as ressenti le coup d'état. Nos rêves ont l'avenir du goudron, c'est trop con, mais des cons parlent en voit les millions. Bienvenue dans le milieu des lions, on chasse la maille en. N'oublie que nous sommes que de simples maillons. Pas le temps pour les actualités, les actualités. La réalité c'est le mal qui s'est actualisé. Issu d'un système infernal, je guette les issues, les fissures sur les cœurs des fissures. Dis-toi que pendant des heures, moi je fais que rester au mic. Prends mes rimes comme des serres et t'auras mal à l'estomac. Allez ton oeil dans le coffre en aligotana Montana. Ici y'a pas d'antania, que tu nous bâtard on canarde. Il faut que tu saches que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je suis pire que Marie Poppins si je vise le flow colossal. Pendant que t'as juste ta cravate sale bourge, j'en fais des délices. C'est pour les frères en cavale que je rappe et que j'aiguise mes rimes. J'm'en bats les couilles du mérite, je fais les choses à ma manière. Étant gamin, j'écrivais des lignes, j'm'en parle, demande à ma mère. Un peu plus tard, c'est au square avec mes rap que le niveau monte. Moi, je suis un peu comme Luffy, venu pour faire péter le nouveau monde. Attention à vos habitats, si tu sais pas, demande à Sémine. On a les techniques d'Abidal et comme Hannibal, on s'évite. Tu m'aimes pas, vaut mieux qu'on s'évite car j'ai pas de temps à perdre. Petit bonhomme, tu veux clasher, y'a pas de soucis, j'te tends la perche. Tu veux savoir ce que j'en pense, c'est dommage. À mon avis, si j'étais le capitaine, t'aurais déjà quitté mon navire. Sur ma vie, mon avenir, c'est ma de la merde. J'fais de bas dans ma ville et puis je comprends que c'est la même. Si tu crois être à la hauteur et que tu fais une nubie légendaire, les acolytes, c'est ma team venue pour te couper les jambes, mec. Laisse-moi deux minutes comme Pesca que je constate, constat pas cause. Tes putes constat et constat. stagne. Le constat c'est qu'en 2010 il y a le contraste entre les pauvres et les riches. Il commence le combat, le contact il arrive incessamment. Tu peux pas baisser ce qu'il a mis même si tes muscles sont peu. Le bonheur, ce bâtard je l'ai attendu. Puis je regardais comme un con les heures qui tournent sur ma pendule. Je te fais bouger la tête comme sur un son des yachts missiles. Les acolytes sauvages disquaires, putain de flow lance missile. Y'a rien à faire, en plus je suis dead, tu peux le voir à ma démarche. Ce soir c'est la même, je suis deg chez Youth Mathemat. J'arrive même plus à vous parler, et dites-moi qu'est-ce qui m'arrive. C'est peut-être la paresse ou simplement bien trop de hache. Je me dis pescard, faut faire des sous afin d'éviter la misère. 2007, mauvais coup de foot, t'es avec le jab, j'ai baptisé. Ce serait te mentir si je te dis que ce soir je vais baptiser. Que ce soit les bières ou les en les ans qui partent dizaines. Baptisé quand j'étais petit, mais dimanche je vais plus à la messe. Tu pourras demander à Jésus pourquoi en 2010 je suis dans la merde. Mais je suis demain, j'essaie de faire les choses à mon rythme. Mais à chaque fois je fous tout en l'air à cause de ces bâtards et leur façon de. Mes rêves sont accomplis le jour où tu reviendras. Tu comprends pas, télécharge la compil et tu te souviendras. J'ai plus de princesse à sauver donc fini jouer sous Zelda. J'suis un zombie sans appétit bourré et même sous Zelda. Pendant que certains vont au musée et quand on me désœuvre, ben moi je fais que mariner comme un camp pendant des heures. Mais faut bien se remettre en question afin de repartir sur bonne base. Parfois la vie nous joue des tours ou nous donne de bonnes baffes. Tu déconnes pas, cousin, alors essaye de faire les choses dans l'ordre. Du genre apprends à nager avant de vouloir jeter dans l'eau. Moi j'aime pas les langues de pute donc si tu me parles je te tranche la langue. Pourquoi y'a ce pute dans mes oreilles qui siffle constamment? Range ta menthe, bonhomme, il est leur taré de faire le fou. Et quand les gens te parlent bolos, il faut que t'arrêtes de faire le sourd. Un conseil, l'ami, si tu prépares un guet-apens, okay. T'as tes gestes, t'as tes rimes, t'as tes 16 ou bien t'as...